ça fait, yeah. C'est dans le rap que je me balade, je t'invite à goûter mon beurre. Je suis pas un boomerang qui se la ramène tout le temps pour faire du buzz. J'ai la bouche grande ouverte, tu peux y glisser quelques prods, les dévorer, me procure de la force, je m'occupe de la sorte. À côté de ça, la vie banale d'un mec lean qui parfois voudrait tout claquer pour une balade au Mexique. Mais le fric manque, donc pour prendre de la distance, je rappe depuis le temps que je m'y suis, mais je vois la vie en large. Dans mon navire, j'embarque avec ma team. On s'y retrait du 12 ans d'âge et nos escales seraient les têtes d'affiche. Mais pour l'instant, quoi, j'attends mon bus avant de boire. Je vais rejoindre les potes une soirée de plus. Faut que ça change, gars, je pense qu'à vider mon bic et ma canette. Je resterai fidèle au casque comme un geek à sa manette. Je kick à ma manière, ça a l'air bas, les effets coûtent 20 balles et que j'ai goûté à la vie, je reste taf, mais c'est fou, gros. J'observe et puis scrute le moindre détail de mon paradis. La zikmu m'obsède, l'écriture, la baratine. On a l'île, fond, la forme, j'aime le ton que ça donne à chaque titre, t'entends la détonation sur notre carabine. J'observe et puis scrute le moindre détail de mon paradis. La zikmu m'obsède, l'écriture, la baratine. On a l'île, fond, la forme, j'aime le ton que ça donne à chaque titre, t'entends la détonation sur notre carabine. Bordel mec, en fait c'est pas si gravissime. Ici les gens skatent sur le mur que des graffitis. Mais ne pars pas si vite, j'arrive sans artifice. Mon rap, je le manie et ce sans faire de sacrifice. Comme un auteur pacifiste, joli bonheur, prose et âme. Tout à ton je renie, horreur, rose et arme. Puisqu'à nous, notre moteur c'est l'or et l'art. Mon crew brillera sous un jeu de lumière comme une aurore boréale. Faux départ, hein, je m'en trouve sans lauréat. J'aurais encore à prouver l'école si je touchais de la monnaie cash. J'osais pas vous le dire, mais ce coup-ci ma prose éclate. Chose épatante, t'es prêt à faire de gros dégâts. Et parle-moi tes faux débats, gros j'ai pas le temps. Dis t'as pas fait le plus dur, faut que tu montres qui tu es, fais gaffe. Les constitue là où ça bouffe, la haine parle. La culture c'est comme la confiture, moi t'en as plus tu l'étales. Vite, vas-y lance un passe-passe à l'antenne, tu vois. Quoi, tu veux qu'on tape ça à l'ancienne? Sur une prod faite à la maison, on se laisse aller. Les basses résonnent dans le caisson et j'ai mille raisons d'en perdre la tête. Dans mon rap, je me pose des questions, des vrais. Je veux des réponses, des faits, pas de la défonce, des rêves. À droite dès que je pond des textes, t'as pas idée. Pas là pour se la péter. La vanité n'est pas notre qualité. Full fire comme alité. J'fumerai full salade une fois que ma mission sera validée. En attendant, j'tends à m'appliquer, à pratiquer ma rime. Histoire d'arriver à te faire kiffer ma zik. J'observe et puis scrute le moindre détail de mon paradis. La zikmu m'obsède, l'écriture, la baratine. On a l'île, fond, la forme, j'aime le ton que ça donne à chaque titre, t'entends la détonation, notre carabine. J'observe et puis scrute le moindre détail de mon paradis. La zikmu m'obsède, l'écriture, la baratine. On a l'île, fond, la forme, j'aime le ton que ça donne à chaque titre, t'entends la détonation, notre carabine.